Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment, par l'habitat, les vêtements, l'homme crée-t-il des micro-environnements et dans quelle mesure la construction de ces niches humaines rétroagit sur leur évolution, modifie leur biologie ou leur comportement, demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Et quelles sont les théories du cerveau social? Nous voici au terme de la grande exploration du rapport entre l'énergie et l'évolution humaine que Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, a proposé d'analyser pour nous convaincre à l'issue de cette série de cours que l'énergie est la chose la plus importante du monde, y compris pour l'évolution humaine et pour l'évolution des organismes en général. Dans cette série intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine », il s'est attaché à présenter les dernières découvertes mêlant chimie, biologie, anatomie, génétique, statistique, anthropologie, sciences numériques, modélisation 3D et les débats contradictoires autour du rôle de notre grand cerveau, source de nombreux avantages, mais grand consommateur d'énergie. Il a donc analysé les stratégies des espèces animales pour extraire justement de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, s'adapter, et à différents organes ou tissus, le cerveau, le tube digestif, les muscles, la peau. Jean-Jacques Hublin, auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes, a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléanthropologie virtuelle qui fait largement appel aux techniques de l'imagerie médicale et industrielle et à l'informatique pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Cette grande série consacrée au rapport entre énergie et évolution intervient alors que Jean-Jacques Hublin a récemment découvert, aux côtés d'Abdelhawad Benanser de l'Institut National d'Archéologie et du Patrimoine, le plus vieux des Homo sapiens, l'homme de Djebel Irhoud, qui est âgé de 300 000 ans. Cette découverte rebat les cartes et ouvre bien des perspectives, notamment sur le processus d'apparition d'Homo sapiens. Aujourd'hui, nous retrouvons à la fois des questions des cours précédents, mais aussi des thèmes abordés les années antérieures, comme l'avènement de l'Anthropocène. Le paléanthropologue se livre à une grande synthèse critique qui met en valeur les étroites interactions entre le biologique et le culturel et comment l'homme, depuis l'aube de l'humanité, n'a cessé de modifier son environnement tout en se modifiant lui-même et sans jamais cesser d'innover. Et nous gagnons le Collège de France le 5 décembre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, l'évolution humaine, une construction de niche. Aujourd'hui, je voudrais en quelque sorte rassembler différentes idées que nous avons abordées durant ces rencontres précédentes et les discuter sous un angle qui est un peu peut-être nouveau pour vous, mais qui en fait a été d'une certaine façon déjà abordé, et qui est d'une part la question de ce que l'on appelle une construction de niche en biologie, puis d'autre part un autre sujet qui est celui du cerveau social. Et en fait, en préparant ce cours, je me suis rendu compte que ces deux thèmes pouvaient à eux seuls représenter un cycle de cours, et donc je serai obligé d'une certaine façon de survoler ces sujets, mais j'espère vous en donner un aperçu et vous montrer comment on peut, dans le fond, comprendre tous ces aspects que nous avons discutés au cours des semaines précédentes et qui sont liés à l'alimentation, qui sont liés à la reproduction. Et tout ça, dans le fond, tournait autour de cette question de l'économie, non pas les économies d'énergie, mais l'économie de l'énergie pour les hominines. Et cette question de la gestion économique de l'énergie tourne autour de ce point central pour les hominines qui est ce gros cerveau, qui est un cerveau complexe et qui est aussi et surtout un cerveau qui coûte beaucoup à l'organisme. Et c'est pour ça qu'il y a cet enjeu énergétique très important pour ces créatures qui doivent extraire de l'énergie de leur environnement, d'une certaine façon gérer cette énergie et puis l'allouer à différentes fonctions. Alors, il y a des aspects qui sont purement biologiques, donc on a des changements, la locomotion, ce sont vraiment des changements anatomiques qui ont permis cette évolution. Du côté de la digestion, c'est un domaine qu'on connaît moins, mais on soupçonne qu'il y a tout un appareil génétique qui s'est modifié au cours de l'évolution des hominides, surtout avec le passage vers une alimentation beaucoup moins végétale et beaucoup plus omnivore. Du point de vue de la reproduction, vous vous souvenez aussi de la façon assez complexe que nous avons de mettre au monde les enfants. Et puis alors, il y a des aspects qui sont des aspects, j'allais dire, strictement comportementaux. Rien n'est jamais strictement comportemental ou biologique. Vous avez compris que les deux choses interagissent. Donc il y a des changements qui relèvent de l'innovation technique, des armes nouvelles, des outils nouveaux, des techniques nouvelles comme la cuisson, par exemple. Et puis, un domaine énorme, immense, qui est tout ce qui est de l'ordre de la complexité sociale. Et on se posera la question de savoir, dans le fond, où cette complexité sociale prend sa racine et comment, dans le fond, ce gros cerveau est mis à profit pour rendre cette complexité sociale encore plus, je dirais, intéressante, aussi du point de vue énergétique. Alors tout ça, ça aboutit à ce que, en biologie, on appelle une construction de niche. Ce qu'on appelle une construction de niche, c'est le fait qu'un organisme, une espèce animale, modifie son environnement pour le rendre favorable à cette espèce et accroître son succès reproductif. Et ça, c'est un domaine de la biologie qui s'est énormément développé, qui a donné lieu à beaucoup de travaux. On va en parler pendant une partie de ce cours. Et dans le fond, cette niche humaine, on peut la définir eh bien, comme une niche qui est à la fois une niche technologique et puis une niche où la complexité sociale, elle aussi, joue un rôle très important. Alors, des constructions de niches dans la nature, il y en a énormément. Je vous ai choisi deux exemples très, très spectaculaires. Celui des castors qui construisent un barrage. Et en construisant ce barrage, eh bien, ils créent un environnement qui est l'environnement non seulement favorable, mais l'environnement indispensable à la vie des castors. Donc, ils fabriquent leur environnement. Puis, un autre exemple assez célèbre, c'est celui des termitières. En Afrique, en Australie, enfin dans différentes zones tropicales, sont des constructions qui peuvent être énormes. Ces termitières sont des structures dans lesquelles prospèrent nos termites, qui sont des animaux aveugles, qui ont besoin d'un environnement tout à fait particulier, avec une température qui ne doit pas être trop excessive. Et donc, ils se construisent un monde pour les termites dans un environnement qui, a priori, pourrait ne pas paraître aussi favorable que ça aux termites. Alors, ce sont des exemples de ce qu'on appelle des espèces architectes. Le mot est quand même assez simple à comprendre. Ce sont des espèces qui construisent des structures. Et il y en a un certain nombre dans la nature. La construction de ces structures peuvent altérer l'environnement de façon extrêmement significative. Ça, c'est une photographie prise d'avion de la grande barrière de corail qui longe le continent australien, eh bien, le corail est une espèce qui modifie son environnement et qui non seulement modifie son environnement, mais modifie la géographie, puisque les îles entourées d'atolls voient leur géographie modifiée par la construction de ces récifs coralliens. Et puis, à l'intérieur de ces récifs coralliens, se développe tout un monde, toute une vie qui est propre à ces récifs et qui n'existerait pas sans ces récifs. Ceci, c'est une photographie aussi prise d'avion et qui est la photographie du plus grand barrage de castors que l'on ait jusqu'à présent découvert. C'est une photo qui est prise au Canada et c'est un barrage de castors qui est visible depuis l'espace. Il y a des photos de Google Earth qui montrent ce barrage de castors. Et donc vous voyez que non seulement les castors ont créé un petit lac, détourné cette rivière, mais la végétation aux alentours est profondément altérée. Et on sait que la construction d'un barrage de castors, ça a des implications très fortes sur l'environnement. Il y a, dans le fond, il transforme un environnement d'eau courante en un environnement de mare, et donc toute la faune d'invertébrés du milieu se trouve modifiée. Il y a des variations des flux de carbone, d'azote, il y a des changements du pH de l'eau. Et puis surtout, les variations du niveau de l'eau créent des changements de la végétation autour de ces lacs artificiels. Et puis en plus, les castors, évidemment, coupent des arbres. Et ça aussi, ça change profondément le paysage. Et ça m'amène à vous parler de l'autre aspect de cette construction de niche. C'est que dans ces constructions de niche, ça n'est pas seulement une espèce qui modifie l'environnement pour le rendre plus favorable, et qui, en faisant ça, modifie le paysage, l'écologie, alors à une échelle qui varie, évidemment, en fonction des espèces, de l'intensité de leur activité, mais aussi qui, en créant une niche, j'allais dire artificielle, elle n'est pas artificielle, évidemment, elle est naturelle, mais en créant cet environnement nouveau, eh bien, crée les conditions d'une rétroaction sur l'évolution de l'espèce elle-même. Donc les castors qui coupent des arbres pour construire leur barrage et qui vivent dans ces lacs artificiels, eh bien, ils ont toute une anatomie qui s'est adaptée à ces conditions créées par les castors. Alors, cette notion de construction de niche, c'est une question, je l'ai dit, qui a eu un certain succès en biologie, qui a été énormément discutée. Et il y a même des biologistes, ce n'est pas la majorité, qui ont suggéré qu'on devrait, dans le fond, réviser l'énoncé de la théorie synthétique de l'évolution pour introduire cette notion de construction de niche comme un processus évolutif en soi. C'est pas, je dirais que ce n'est pas une opinion qui est acceptée par la majorité qui, dans le fond, pense que la construction de niches est un phénomène important, mais dans le fond, qui se traduit au final par des effets qui relèvent de la sélection naturelle et puis des mécanismes habituels qui sont pris en compte par la théorie synthétique de l'évolution. Alors, en ce qui concerne les hommes, il n'y a pas de doute sur le fait que les hommes aient créé une niche et qu'ils aient modifié l'environnement. Alors, c'est particulièrement spectaculaire depuis le développement de l'agriculture. Voilà des rizières chinoises dans un paysage qui est profondément remanié par les hommes puisqu'ils l'ont complètement modifié pour pouvoir cultiver des céréales nécessaires à leur alimentation. Évidemment, inutile de parler des paysages urbains modernes qui n'ont plus rien à voir avec l'environnement naturel, même si on espère végétaliser les toits d'un certain nombre de grandes villes, y compris Paris. Mais bien avant l'apparition de l'agriculture et bien avant l'avènement des grandes métropoles, vous rappelez que les hommes ont commencé déjà, et ça remonte à loin, dans le fond, à impacter l'environnement. Et les premiers signes, les premières traces que nous avons de ces changements remonte assez loin. Pour ceux qui ont suivi mon cours l'année dernière, quand on a parlé de l'avènement de l'Anthropocène, eh bien, j'ai signalé déjà les travaux de ce chercheur suédois qui s'appelle Werdelin et qui s'est intéressé à la variabilité et à la richesse des faunes de carnivores en Afrique, dans le Pléistocène. Et ce qu'il a montré dans plusieurs publications, c'est que même si aujourd'hui l'Afrique nous paraît être le paradis des grands carnivores, en fait, les faunes de grands carnivores africains sont des faunes appauvries par rapport à ce qui existait il y a 3 millions d'années ou 2 millions et demi d'années. Et si on remonte au début du Pléistocène, on a en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Est, toute une série de grands carnivores qui n'existent plus du tout aujourd'hui, des hyènes géantes, des ours, ou les ours, quand on parle d'Afrique, ça ne nous parle pas tellement, mais des ours, des grands ours, et puis aussi toute une série de félins à canines développées en lame de sabre, qui sont des espèces qui ont persisté beaucoup plus longtemps en Eurasie, en particulier en Europe, hein, on en a jusque vers environ 300 000 ans, mais qu'on voit disparaître en Afrique de l'Est il y a, disons, autour de 1,5 million, 2 millions d'années. Et donc, une chute brutale de cette diversité. Et cette chute de la diversité des grands carnivores, il est bien difficile de la mettre en relation avec des changements environnementaux, notamment parce que eh bien, les autres mammifères qui vivent dans les mêmes régions, les autres groupes de mammifères, y compris des carnivores de plus petite taille, eh bien, eux ne voient pas du tout leur diversité se réduire, et même au contraire, ils voient leur diversité augmenter. Et l'interprétation qui a été faite de cette situation, eh bien, c'est qu'en fait, entre 2 et 1,5 million d'années, que se passe-t-il en Afrique de l'Est ? Eh bien, on a nos fameux Homo erectus se développent, qui développent des techniques de chasse sans doute fondées sur la poursuite des animaux en mettant à profit leur capacité à la course d'endurance et donc qui, dans le fond, rentrent en compétition avec tous ces carnivores et finissent par créer un problème pour un certain nombre d'espèces. Alors, bon, c'est un point de vue qui mérite peut-être d'être conforté par d'autres résultats, mais enfin, toujours est-il que c'est quelque chose qui doit éveiller notre curiosité. Il y a de nombreuses études sur l'évolution de la faune pendant le Pléistocène, avec une bagarre qui est une bagarre, je dirais, presque politique, en tout cas, où il y a un certain fond idéologique, pour savoir si, dans le fond, les modifications de la faune, en particulier les modifications récentes de la grande faune qu'on observe dans certaines régions, eh bien, sont dues à l'homme et à son activité de prédation, ou sont dues à des changements climatiques, et en particulier à la fin des temps glaciaires et au début de l'interglaciaire actuel. Je ne vais pas revenir trop en détail sur ces questions que nous avons déjà discutées, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que quand on regarde la proportion de grands mammifères qui se sont éteints entre le dernier interglaciaire, ce qu'on appelle l'Éhémien, il y a environ 130 000 ans, et puis l'actuel, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que ces extinctions se répartissent de façon extrêmement hétérogène sur la surface de la Terre. Dans le fond, on a des régions comme l'Afrique où la proportion de grands mammifères éteints est relativement faible, et les régions où ces extinctions sont les plus massives, eh bien, sont les régions où les hommes, en tout cas les hommes modernes, sont arrivés en dernier. Et l'idée qui prévaut, c'est que dans le fond, dans des régions comme l'Afrique ou le sud de l'Asie, eh bien, il y a eu une longue coévolution entre les faunes et les hommes. Dans le fond, les faunes sont habituées, si je peux dire, aux hommes et à leur penchant à chasser. Alors que des régions comme l'Australie ou l'Amérique, eh bien, ont subi, si je peux dire, de plein fouet le choc d'une arrivée d'hommes dans des régions où il n'y avait jamais eu d'autres hominines auparavant. Ça s'est passé autour de 50 000 en Australie. disons après 14 000, 15 000 dans les Amériques, mais vous voyez que ce sont des régions qui ont été très très impactées par ces extinctions. Et vous voyez aussi que l'Europe, c'est une région qui a été impactée par ces extinctions. Et en Europe, évidemment, on a une situation très différente des Amériques et de l'Australie, puisqu'on a des hominines depuis longtemps. On a des hommes de Néandertal qui vivent. Mais quand même, à l'échelle de l'Eurasie, on s'est rendu compte récemment qu'en fait, l'Europe, surtout l'Europe occidentale, ben dans le fond, c'est un des derniers endroits où les formes archaïques, comme les Néandertaliens ou les Denisoviens, ont été remplacées par des hommes modernes qui étaient arrivés depuis beaucoup plus longtemps dans d'autres parties de cette grande masse continentale. Et clairement, quel que soit leur succès adaptatif, hein, les Néandertaliens n'ont pas impacté les faunes aussi fortement que les hommes modernes du Paléolithique supérieur. Alors, au-delà des extinctions, on voit de nombreux signes de l'activité humaine sur l'environnement. Encore une fois, longtemps avant les débuts de l'agriculture, chez des chasseurs-cueilleurs qui, normalement, devraient, impacter modérément l'environnement. Et vous savez, il y a cette idée que les chasseurs-cueilleurs vivent en équilibre avec la nature, qu'ils gèrent la ressource, etc. C'est pas si sûr que ça. Alors, je vous ai pris deux ou trois exemples qui vous montrent, en fait, au cours des dernières dizaines de milliers d'années, l'intensification, dans le fond, de cette exploitation des hommes, de cette extraction d'énergie de l'environnement par des chasseurs-cueilleurs. Et dans les trois diapos qui vont suivre, on va comparer des populations d'Afrique du Sud, de ce que l'on appelle le Middle Stone Age. En gros, dans le jargon, c'est l'équivalent du Paléolithique moyen d'Europe. Et le Later Stone Age, qui est en gros l'équivalent du Paléolithique supérieur. Alors, ce qui est intéressant en Afrique du Sud, ou dans d'autres parties d'Afrique, c'est que cette transition entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age ne correspond pas à un remplacement de population, comme c'est le cas en Europe. Ce ne sont pas des Néandertaliens remplacés par des hommes modernes, ce sont des Homo sapiens qui évoluent vers les hommes actuels, avec des changements de comportement. Mon collègue Richard Klein, qui est à l'université de Stanford, a consacré pas mal d'années de sa vie à étudier la transition Middle to Later Stone Age en Afrique du Sud. Et c'est un archéozoologue qui s'intéresse beaucoup à la faune, à la petite faune, et à la façon dont les hommes ont exploité. Il a produit un certain nombre de travaux, en particulier sur l'exploitation des mollusques en milieu littoral. Et donc, ce que montrent les travaux de Richard Klein, c'est que quand on compare une série de gisements sud-africains qui s'échelonnent, disons, entre 120 000 ans et puis l'actuel, et que l'on regarde la taille de différentes espèces de gastéropodes qui ont été exploitées par ces hommes en milieu littoral, eh bien, ce qu'on voit, c'est une décroissance de la taille de ces formes. Et cette décroissance de la taille de ces formes, eh bien, elle est très certainement liée à une pression de plus en plus grande des hommes sur ces espèces. C'est-à-dire qu'en gros, ces coquillages ont moins de temps pour grandir et ils sont récoltés avant d'arriver à une taille maximum. Et donc c'est quelque chose qu'on voit se développer dans le Later Stone Age, alors que dans le Middle Stone Age, ça n'est pas le cas encore. Et donc derrière ça, il y a probablement une augmentation de la population, une augmentation de ses capacités à exploiter ses ressources. Et dans le fond, on est sur le chemin de cette construction de niches avec une extraction d'énergie de l'environnement qui est de plus en plus grande. Alors on observe le même phénomène avec toute une série d'espèces, les tortues angulées, qui sont des tortues terrestres que l'on trouve en Afrique du Sud. Alors les hommes du Paléolithique mangent aussi des tortues. Donc ils récoltent les tortues. Les tortues, c'est quand même un animal qui se défend assez peu. et il suffit de les récolter, un petit peu comme les coquillages, et ensuite de les faire cuire. Et on a, de la même façon que pour les coquillages, on a une décroissance de la taille des carapaces de tortues. C'est quelque chose qui est facile à mesurer. Alors, en l'occurrence, dans tous ces gisements, pour avoir une grande population de tortues, ce qu'on mesure, ce ne sont pas les carapaces, mais ce sont des humérus ou des fémurs que l'on peut trouver. Et on a ce changement de taille. Même chose avec encore un autre plat du paléolithique d'Afrique du Sud. Je ne sais pas si ça vous tente beaucoup, mais c'est le rat-taupe des dunes que l'on trouve aussi dans des gisements du Middle Stone Age et du Later Stone Age africains. Et là, vous avez la comparaison entre la taille des humérus de forme. Alors, c'est dans un même gisement, hein, des niveaux, des eaux qui viennent de niveau du Middle Stone Age, comparé à des eaux des mêmes animaux qui viennent du Later Stone Age. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que Klein a aussi regardé comment se modifiait la taille de ces animaux en fonction de l'environnement et en particulier de la pluviométrie. Et vous voyez que la taille normalement de ces animaux augmente avec la pluviométrie, et que ce que l'on observe entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age, c'est le contraire de ce qu'on devrait observer. C'est-à-dire que si c'était uniquement l'environnement qui jouait, les rat-taupes des dunes du Later Stone Age devraient être un peu plus gros que ceux du Middle Stone Age, et en fait, ils sont plus petits. Donc tout ça, c'est lié à l'activité humaine. Alors, on pourrait continuer très longtemps avec l'alimentation. Un autre impact de l'homme sur le paysage, et je me cantonne aux chasseurs-cueilleurs, je ne parle pas des sociétés post-néolithiques ou même néolithiques et de leur impact sur l'environnement qui a été bien plus considérable. Le feu, on pense toujours au feu comme un élément de la vie domestique, le feu qui permet de cuire des aliments, de se chauffer, qui fait qu'on peut se réunir autour d'un feu de camp. Le feu est utilisé par les chasseurs-cueilleurs pour modifier le paysage. Alors, ils modifient le paysage parfois volontairement, parce que ces chasseurs-cueilleurs préfèrent avoir des environnements ouverts que des environnements qui sont trop couverts. Par exemple, en Australie, on a très bien décrit comment les aborigènes systématiquement provoquent des feux de brousse pour créer un environnement qui est favorable au gibier que ces chasseurs veulent chasser. Mais vous voyez, dans ce travail de Sherion et collaborateurs de 2015, toute une série d'activités humaines qui vont de la guerre jusqu'au fait de vouloir diriger le gibier dans une certaine direction, mais qui couvre aussi d'autres choses comme la communication ou même le simple fait de s'amuser, résulte dans des actifs, des feux de brousse qui sont créés par les hommes eux-mêmes. Alors on a dans un passé, alors ça c'est une question qui intéresse énormément les archéologues depuis pas très longtemps, c'est de savoir dans quelle mesure on peut détecter ces actions de l'homme sur le paysage par l'intermédiaire de feux qui sont des feux intentionnels. Alors, c'est une question qui est assez difficile à résoudre parce que du point de vue technique, c'est pas très facile de faire la différence entre un feu naturel et puis un feu qui a été allumé par les hommes. On a des régions du monde où on voit, c'est le cas en Australie par exemple, où on voit dans les dépôts marins ou dans les dépôts de certains lacs, on voit apparaître à un certain moment, autour de 50 000 ans, des petits charbons, des fragments de charbon de bois. Alors encore une fois, c'est difficile de dire qu'ils résultent de feux intentionnels, mais toujours est-il qu'il y a une coïncidence de date entre l'augmentation de densité de ces charbons dans les dépôts et puis la date présumée d'arrivée de l'homme dans ces régions-là. En Europe, on a, dans des travaux récents, essayé de mettre en relation la végétation observée à un moment donné. Ici, il s'agit du dernier maximum glaciaire, donc le moment où il faisait très très froid en Europe lors de la dernière glaciation, autour de 20 000 ans, 18 000 ans avant le présent. Donc la végétation observée avec une modélisation de ce qu'elle aurait dû être. Alors on est capable, connaissant les conditions écologiques requises par différentes espèces végétales et étant capable de reconstituer ces conditions à un moment T du passé dans différents endroits, eh bien on peut produire des cartes comme ça. Alors ce sont des simulations évidemment, qui montrent les endroits où normalement il devrait y avoir de la forêt si on ne faisait rien. Et vous voyez que la carte de l'Europe lors du dernier maximum glaciaire avec les forêts telles qu'elles auraient dû être, et puis ce que nous donnent les études de pollen, les études de restes de fragments végétaux dans des gisements, en particulier des dépôts de lacs où on peut étudier ce matériel, eh bien vous voyez qu'on a un couvert végétal qui est beaucoup plus modeste dans le fond que ce qu'on pourrait attendre. Et encore une fois, l'idée, c'est que ce qui est derrière cette différence, eh bien, c'est l'activité humaine. Alors, le dernier maximum glaciaire, ça paraît pas un moment extrêmement favorable à créer des incendies, mais en fait, dans une forêt de résineux, quelle que soit la saison, apparemment, on peut arriver à la faire brûler. Alors, probablement à l'été ou à l'automne, c'est plus facile qu'au milieu de l'hiver, mais si on en croit les études, les auteurs de cette étude, encore une fois, les chasseurs-cueilleurs qui vivent à la fin des temps paléolithiques dans nos régions préfèrent des milieux ouverts à des milieux forestiers, ne serait-ce que pour avoir accès au gibier ou pour pouvoir se déplacer et donc éliminent une partie de ces forêts. Tous ces grands changements du paysage, évidemment, vont s'accentuer de plus en plus pendant l'Holocène, avec le développement de l'agriculture, le développement, l'accroissement de la densité de population dans de nombreuses régions. Mais dans le fond, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas les changements de paysage du point de vue de l'évolution humaine, c'est dans le fond, ce micro-environnement que les hommes créent autour d'eux, hein, l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire le fait d'avoir des vêtements, d'avoir des habitats qui sont fabriqués. Et la question qu'on peut se poser, c'est un peu à la manière des castors qui ont leur anatomie modifiée par l'environnement dans lequel ils vivent, dans quelle mesure cette construction de niches par les hommes rétroagit sur leur évolution, modifie leur biologie et ou leur comportement. Alors cette reconstitution vous montre des chasseurs à la veille du dernier maximum glaciaire, une période qu'on appelle le Gravettien, quelque part en Europe de l'Est, et vous avez un petit peu la synthèse de tous ces changements qui sont en cours. Alors dans l'environnement immédiat des hommes, d'abord ces constructions qui sont des constructions en partie en os de mammouth, mais aussi avec d'autres éléments, du bois, du cuir, des peaux, de la terre, enfin toutes sortes de choses, et qui permettent de survivre avec une morphologie de primate tropical dans un environnement qui est tout sauf tropical. La fabrication de vêtements, on a beaucoup parlé la dernière fois avec la thermorégulation et le fait que l'invention de l'aiguille à coudre, pas très longtemps après cette période-là, était probablement une avancée majeure. Des techniques de conservation des aliments, ici de la viande qui est mise à fumer. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile pour l'instant à détecter dans le registre archéologique. On s'y emploie. La question qui se pose déjà de savoir s'il y a ou pas domestication de certains animaux, et en particulier pour les chasseurs gravettiens de Moravie, il a été proposé par certains que, eh bien, ils avaient déjà domestiqué ou apprivoisé certains loups et qui étaient les ancêtres de nos chiens actuels. Alors tout cet environnement créé par les hommes, eh bien, il va créer des opportunités pour d'autres espèces animales, de la même façon que les castors créent un environnement de mare et, dans le fond, favorisent certains invertébrés plutôt que d'autres, ou les coraux abritent toute une variété d'espèces de poissons. Alors, pour ce qui est des hommes et de leur environnement domestique, il est clair qu'ils ont créé des opportunités pour beaucoup d'espèces. Hein. Je vous rappelle l'existence, si vous l'avez oublié, de la puce, hein, qui vit dans les vêtements humains et qui ne peut vivre que dans les vêtements humains, c'est-à-dire qui ne peut pas survivre et se reproduire en dehors de cet environnement-là. Et donc, voilà, sans vêtements et sans comment dire préparation de peau, de cuir, couture, etc. Eh bien, on vivrait dans un monde sans puce. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, là, on est dans la période historique, on va voir des animaux qui sont des non pas des parasites, mais plutôt des commensaux de l'homme. Alors j'en ai pris un au hasard, mais quand même qui est un qui a compté et qui compte toujours. Donc le rat d'égout, hein, le rat. Donc ce rat, c'est une espèce domestique qui a dû son succès, dans le fond, à l'environnement créé par les hommes. Alors pourquoi il s'appelle Norvegicus ? Eh bien parce qu'en fait, on pense qu'il a été introduit en Europe par les Vikings, dont il infestait les drakkars. Et donc, en fait, il vient pas du tout de Norvège, il vient plutôt d'Asie et de l'est de la Russie. Et comme les Vikings sont aussi allés du côté de la Russie, eh bien ils ont fini par ramener des Rattus norvegicus en Europe à partir du IXe siècle. Et ces animaux, évidemment, aujourd'hui, sont présents absolument partout, sur tous les continents, dans toutes les villes, à part en Antarctique, et partout, il y a des rats. Et inutile de vous rappeler aussi le fait qu'ils ont été vecteurs, pas directement, mais ils ont été vecteurs de maladies terribles, comme la peste, plusieurs fois au cours de l'histoire. Alors, parmi les opportunités créées par les hommes en créant cet environnement, tout à l'heure, je vous ai montré ce premier animal domestique qui est le loup. Alors, les hommes n'ont pas domestiqué que le loup pour en faire un chien. Ils ont domestiqué un certain nombre d'animaux, de façon à les exploiter pour leur viande, pour leur peau, pour leur lait, etc. Et on a, alors, à partir de la fin des temps glaciaires, durant l'Holocène, on a une explosion du nombre de ces animaux domestiques. Alors, pas une explosion du nombre d'espèces, mais une explosion du nombre d'individus. Et ce diagramme vous montre l'accroissement de la biomasse de vertébrés terrestres depuis la fin de l'Holocène et puis surtout au cours d'une période historique récente. Et donc, vous voyez que, d'abord, cette biomasse, aujourd'hui, est considérable par rapport à la biomasse qui existait à la fin des temps paléolithiques. Donc il y a un accroissement très très spectaculaire. Mais surtout, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est le fait que cette biomasse qui était entièrement représentée par des animaux sauvages il y a 10 000 ans, maintenant est entièrement représentée soit par des hommes eux-mêmes. Hein, alors les hommes eux-mêmes représente une biomasse qui est supérieure à la biomasse de tous les vertébrés terrestres il y a 10 000 ans. Donc ça fait de la biomasse. Hein. Et les animaux domestiques, eh bien c'est deux fois plus. Hein. Donc c'est absolument spectaculaire. Et évidemment, avec ces animaux domestiques, eh bien sont venus tout un cortège, encore une fois, d'épidémies, de maladies infectieuses, qui sont passés de l'homme aux animaux domestiques successivement au cours de l'évolution récente. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, l'évolution humaine, une construction de niche. Alors comment ces changements que je vous ai décrits brièvement, on pourrait continuer toute la soirée parce qu'il s'en est passé énormément. La question maintenant, c'est dans le fond, comment ces changements rétroagissent sur l'évolution humaine, l'évolution biologique. Alors, quelque chose qui a été découvert assez récemment, mais que je trouve assez spectaculaire, eh bien, il y a un récepteur qui s'appelle aryl hydrocarbone. Désolé, je vous donnais des noms de gènes et de molécules qui sont pas toujours très faciles à mémoriser. Donc ce récepteur, c'est un récepteur qui, dans le fond, est mis en jeu chaque fois que vous êtes exposé à de la fumée de cigarette, à des gaz d'échappement de moteur, à des incinérateurs, à de la fumée, à des feux de toutes sortes. Et il permet, d'une certaine façon, la métabolisation de toxines qui se trouvent dans ces fumées d'une façon qui est relativement, je veux dire, peu dangereuse pour notre organisme. Alors, récemment, on s'est intéressé à donc l'histoire passée de ce récepteur aryl hydrocarbone. Et comme on dispose maintenant du génome complet de l'homme de Néandertal, du génome complet des Denisoviens, et même quand il n'est pas complet, il suffit qu'on ait un petit bout de ce récepteur pour aller vérifier à quoi il ressemble, eh bien, on a pu comparer la situation chez les hommes actuels avec ce qui était présent chez les Néandertaliens, chez les Denisoviens, et puis évidemment, on peut toujours comparer ça aussi avec ce que l'on observe chez les grands singes actuels. Et alors, ce qui est absolument remarquable, c'est que on s'est rendu compte que sur ce récepteur, il y a une mutation qui n'existe que chez l'homme actuel et qui existe chez tous les hommes actuels. Et cette mutation, eh bien, elle n'est pas présente ni chez les Néandertaliens ni chez les Denisoviens. Et il semble que cette mutation, elle soit essentielle pour rendre ce récepteur actif, pour nous protéger contre les effets nocifs de ces fumées. Alors c'est quelque chose d'assez, je dirais, remarquable, parce que nous savons que l'utilisation du feu existe déjà chez les hommes de Néandertal, et même bien avant. Et je vous ai dit plusieurs fois qu'il y avait quand même beaucoup de sites paléolithiques du Poétique Moyen où finalement la présence du feu était relativement discrète, voire où le feu était absent. Et donc ce que c'est cette comparaison des données génétiques actuelles et puis de la paléogénétique suggère, eh bien c'est qu'il y a une intensification de l'utilisation du feu, en tout cas une exposition de plus en plus grande à des fumées, soit dans les habitats, soit peut-être à cause de ces techniques de fumage dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, on a récemment, au cours de l'évolution humaine, et depuis la séparation avec les Néandertaliens, on a acquis cette mutation qui nous permet, si je peux dire, de vivre dans un monde de fumée, avec un peu moins de risques, même si ces risques existent toujours. Donc ça, c'est une modification qu'on peut considérer comme justement une de ces rétroactions entre la construction d'une niche, le feu, dans le fond c'est l'homme qui l'a ramené chez lui, et puis la génétique et le génome de ces hommes. Alors venons-en maintenant au cerveau, puisque dans le fond toute cette construction de niche, toute cette histoire de gestion de l'économie, ça aboutit à une chose qui est le développement d'un cerveau très gros. Et on a beaucoup parlé au cours des derniers cours de l'augmentation du cerveau essentiellement au cours des deux derniers millions d'années, avec depuis environ 500 000 ans une augmentation qui n'est pas liée à une augmentation de la masse corporelle, donc une augmentation du coefficient d'encéphalisation. Et je voudrais insister sur le fait que à côté de ces changements de taille, même ces changements de forme, eh bien, on a de bonnes raisons de penser qu'au cours de ces 2 millions d'années, il s'est produit aussi énormément de changements du point de vue du fonctionnement de ce cerveau et du point de vue de sa connectivité. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau maintenant, mais voudrais quand même vous rappeler que le cerveau, on a l'habitude de le diviser en trois grandes parties. Une partie qu'on appelle le cerveau reptilien, une autre partie qui est une partie ancienne qu'on appelle le système limbique. Alors certains pensent qu'il n'y a pas vraiment de système limbique, mais disons il y a des parties du cerveau profond qu'on appelle le système limbique. Et tout ça est recouvert par le néocortex qui a pris un développement énorme chez les primates et singulièrement chez l'homme où il est extrêmement développé. Et on va passer un petit moment maintenant avec le cortex. La question évidemment c'est est-ce que on peut facilement mettre en relation ces changements spectaculaires du cerveau, ce n'est pas seulement une question de taille, avec des phénomènes qui sont liés à cette construction de niche. Et plusieurs fois, j'ai évoqué le lien possible entre la reproduction coopérative et puis la complexité cognitive. Alors, je voudrais quand même mettre un petit bémol à ça, parce que c'est l'opinion qui est défendue par un certain nombre d'auteurs. Je pense à Karel Vanček, par exemple, ou Sarah Hurdy. Mais tout le monde n'est pas absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire la notion que, dans le fond, le fait que les hommes grandissent en fratrie multiple, avec une intervention de plusieurs adultes pour nourrir les petits d'une seule femme, c'est quelque chose qui joue un rôle dans notre complexité cognitive. C'est la combinaison probablement de ces interactions sociales qui sont nécessaires au développement de l'individu avec le fait que cet individu va devoir interagir avec tout un réseau social pendant un très grand nombre d'années qui va avoir un effet sur son développement cérébral et en tout cas sur le câblage de son cerveau. Et donc, dans ce câblage de son cerveau, va se développer un certain nombre de structures qui sont des structures qui nous aident dans nos interactions sociales avec d'autres individus. Et ça, ça fait vraiment partie de la niche construite par les hommes. Alors, ces interactions sociales avec d'autres individus, elles sont, chez l'homme, tout à fait particulières. Parce que les hommes ont développé des capacités qui existent de façon, je dirais, embryonnaire chez certains primates, chimpanzés par exemple, mais qui n'existent pas beaucoup chez les autres mammifères. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit et l'empathie. Ce sont des sujets qui sont des sujets énormes, mais cette théorie de l'esprit, c'est dans le fond la capacité que nous avons à nous représenter les pensées des autres. Alors cela m'amène à vous parler, pour finir, de ce fameux cortex et de l'expansion de ce néocortex et de ce que l'on a appelé le cerveau social. Alors, en 1992, un chercheur anglais qui s'appelle Dunbar a publié un article qui a fait date. Et dans cet article, je crois qu'il a été publié dans Journal of Human Evolution, Dunbar a voulu montrer que, en fait, cette expansion du néocortex chez les hommes, elle avait des racines qui étaient des racines sociales. Et que donc on pouvait bien mettre en relation le nombre d'interactions avec les autres à l'intérieur d'un groupe avec l'expansion du néocortex. Et Dunbar a montré que chez les primates, eh bien, il y avait un lien assez direct entre la proportion de néocortex par rapport au reste du cerveau, en volume, et puis la taille des groupes. Et donc, ce que l'on observe, en gros, dans toute cette série, ces nombreuses espèces de primates étudiées par Dunbar, eh bien, c'est que plus ces espèces ont un néocortex important par rapport au reste du cerveau, et plus elles vivent en groupes nombreux. Et au sein de ces groupes de plus en plus nombreux, eh bien, chaque individu doit avoir des interactions avec d'autres membres du groupe. Et typiquement chez les primates, ça se passe à travers ce que l'on appelle du grooming en anglais. Alors, on peut traduire ça par toilettage, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que c'est pas seulement chercher des puces dans la fourrure des autres, c'est avoir cette interaction, ce contact physique avec les autres qui est très très important et qui évidemment a ses limites, parce que c'est assez facile d'avoir des interactions physiques et du toilettage entre croiser entre 5 ou 10 individus. Quand on est 50, c'est beaucoup plus compliqué et ça prend du temps. Et alors, Dunbar, dans la suite de ses travaux, a proposé l'idée suivant laquelle, dans le fond, on pouvait faire une prédiction de la taille d'un groupe humain, qui était la taille du groupe humain au sein duquel on peut avoir des interactions sociales avec d'autres individus. Et comment il a fait ça? Eh bien, c'est assez simple. On connaît la taille du néocortex chez l'homme, donc il a pris le rapport du néocortex par rapport au reste du cerveau, et en le projetant sur ce diagramme construit à partir d'autres primates, eh bien, Dunbar est arrivé à un chiffre qu'on a depuis baptisé chiffre de Dunbar, d'ailleurs, et qui est un chiffre d'à peu près 150. C'est-à-dire que 150, c'est le nombre d'individus avec lequel, normalement, un être humain moyen peut avoir des relations, je dirais, personnelles suivies. Hein ? Alors, ça ne veut pas dire que on n'est pas capable de connaître plus de monde que ça, mais c'est une autre affaire que d'avoir des interactions régulières sur le plan social. Alors, Dunbar a détaillé énormément son modèle, hein, il a construit toute une théorie du cerveau social avec des chiffres emboîtés, avec un facteur 3 à peu près à chaque fois, hein. Donc 5, c'est vraiment la famille réduite, hein, et puis ensuite une vingtaine de personnes, c'est les amis intimes, les relations très très proches, et puis après 50, c'est à peu près le nombre de connaissances que l'on peut avoir et qui avec qui on interagit, et 150, c'est vraiment une limite au-delà de laquelle sont des gens. On peut connaître leur nom, mais on ne va pas forcément interagir avec eux. Alors il y a eu une masse de publications sur cette histoire du cerveau social et du nombre de Dunbar. Et on a exhumé tout un tas de chiffres 150 de la littérature. On s'est rendu compte que 150, c'était à peu près la taille l'effectif de la population d'un village néolithique. 150, c'est dans l'armée romaine la taille d'une unité de base. Dans la plupart des armées modernes, c'est la taille de ce qu'on appelle une compagnie, etc. Ça a été très très loin. Il y a eu des travaux extraordinaires. Il y a des gens qui ont étudié, par exemple, combien on pouvait au maximum envoyer de cartes de vœux au moment de Noël. Donc il y a une publication là-dessus et toujours pareil, on tombe sur ce chiffre de Dunbar qui est autour. Alors, c'est pas 150, c'est entre 100 et 200, mais on tourne toujours autour de ces chiffres-là. Et alors, plus récemment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, il y a des gens qui ont étudié le trafic sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Alors, sur Twitter, je sais pas vous, mais moi, j'ai 3500 followers ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui en ont 10 000, il y a des gens qui en ont 1 million. Kim Kardashian, je ne sais pas combien elle en a, je crois que c'est elle qui en a le plus sur Terre. Mais clairement, Kim Kardashian n'entretient pas des relations personnelles avec ses millions de followers. Et donc, on a essayé de mesurer, dans le fond, avec combien de followers sur Twitter vous pouvez entretenir des relations. Et ça, c'est assez facile, parce que tout ça, c'est électronique, c'est enregistré par Twitter et par Facebook. Et donc, en étudiant le trafic rentrant et le trafic sortant des messages échangés entre des gens qui font partie d'un réseau sur un réseau social, eh bien, on s'est rendu compte de quoi ? Eh bien, qu'à partir d'à peu près 150 individus, ça plonge. C'est-à-dire que quand on interagit avec 10, 20, 30, 40, on est sur une pente croissante. Et puis, quand on arrive au-delà de, disons, 200, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se met à communiquer de moins en moins avec tout ce monde-là et que, quel que soit, encore une fois, que soit le trafic entrant, le trafic sortant, on tombe toujours autour de ce chiffre de Dunbar. Alors, on est allé assez loin hein, dans cette histoire avec, évidemment, cette idée, encore une fois, que, dans le fond, cette expansion du néocortex chez l'homme, elle était liée évidemment à toutes ces capacités techniques que nous avons développées, toute cette complexité cognitive, mais qu'en fait, le moteur essentiel de tout ça, c'était la complexité sociale. Alors vous vous souvenez de mes petits singes qui faisaient du toilettage, qui s'épouillaient les uns les autres. Alors qu'est-ce qui se passe avec les hommes ? Parce que les hommes, enfin normalement, on ne se cherche pas des puces les uns les autres. Et en 1993, Dunbar, associé à un autre chercheur qui s'appelle Leslie Aiello, ont pris toutes les données qu'on avait sur des fossiles, sur la taille estimée du néocortex dans différents groupes d'hominines, et ont publié un article dans lequel ils fournissaient des estimations de la taille des groupes, d'Homo erectus, de Néandertal, d'Australopithèque, et surtout, ils ont estimé le pourcentage de temps que ces différents hominines auraient dû passer à faire du grooming, hein, pour entretenir ce réseau social. Alors, je vous dis ça de mémoire, mais pour Homo erectus, c'était des groupes au-dessus de 100 déjà, hein, donc on parle de groupes conséquents. Et dans ce tableau, donc là, la colonne du milieu vous donne un pourcentage de temps, enfin, si on applique les règles de la théorie du cerveau social de Dunbar, des pourcentages qui sont prévisibles pour différents groupes. Alors j'attire votre attention sur les deux dernières lignes, qui sont les hommes modernes, les hommes d'aujourd'hui. Et normalement, si nous étions des macaques comme les autres, mais avec un plus gros néocortex, nous devrions passer 40% de notre temps à faire du grooming. Et Dunbar, qui a publié énormément sur cette question-là, en est venu à l'idée qu'en fait, le langage chez les hommes, c'était un moyen économique de développer du grooming social. Pourquoi ? Eh bien, parce que le langage, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer en faisant une autre activité, et donc on peut parler avec quelqu'un alors qu'on s'occupe à autre chose, et surtout, on peut parler à un grand nombre de personnes à la fois, et dans le fond, l'idée de Dunbar, c'est que le langage, c'est quelque chose qui est essentiellement une forme de grooming humain et qui permet de consolider les liens sociaux, les liens émotionnels, et qui renforce cette empathie qui nous anime constamment. Et dans le fond, c'est ce que nous avons fait au cours des dernières semaines. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 5 décembre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Aujourd'hui, une construction de niche. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléanthropologie du genre homo ». Et avec Bernard Seitre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauvetet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mireille Moneghetti. À partir de demain, nous vous proposons la rediffusion des lectures des leçons inaugurales de cet été, notamment les leçons de Fernand Braudel, de Jacques Berck, de Georges Duby, de Jean-François Champollion, de Jacqueline de Romilly, de Michel Foucault et de Claude Lévi-Strauss. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.